Christophe? Non, arrêtez avec Christophe, mais... putain. C'est Jérôme? Non. Claude Barzotti? Ouais, madame. Ah madame. Exactement. À vous, madame. Merci, Claude. Et quand je pense à vous, madame. Arrêtez, Claude, je vais laisser votre micro. C'est dans l'actualité. Exactement, bah bravo. Hein. Oh, pardon. Il a chuté. Ah, c'était une belle chute, hein. Bien droite. Didier est tombé. Voici la dernière manche de cette première manche de de cette première salve de Blanklet. Allô, Beyoncé. Bonne réponse, c'était Allô de Beyoncé. Eh, ça c'est fort. Et cette tocards me les ont pas mis au nouveau refrain. Mais j'en peux plus. Ah, j'ai l'intro. Ah, on est ravis. Elle est très longue en plus. En plus, on est aidé avec ça. Oh là, ça y est, ça démarre. Maëva, tu nous le fais? Non, mais ça va faire un blanklet aussi. Qui a gagné? Maîtrise pas. Moi, attendez. On maîtrise pas, maîtrise pas. J'en ai marre, ça fait trois fois que vous me coupez, hein, mais chez Jean-Luc. Oui, mais vous avez un jingle, on va le rentabiliser. Hein. Du coup, ça fait un, deux, trois, quatre. Ah non. J'ai rien compris. Qui a gagné? Qui a gagné là? Bah, chez Antoine. Une soupe au poireau.